Le dépositaire infidèle, fable 1 des fables de La Fontaine, livre 9e. Enregistré pour LibriVox.org par Daniel Newton. Grâce aux filles de mémoire, j'ai chanté des animaux. Peut-être d'autres héros m'auraient acquis moins de gloire. Le loup en langue des dieux parle aux chiens dans mes ouvrages. Les bêtes à qui mieux y font divers personnages. Les uns fous, les autres sages. De telle sorte pourtant que les fous vont l'emportant. La mesure en est plus pleine. Je mets aussi sur la scène des trompeurs, des scélérats, des tyrans et des ingrats, maintes imprudentes pécores, force sots, force flatteurs. Je pourrais y joindre encore des légions de menteurs. Tout homme ment, dit le sage. S'il n'y mettait seulement que les gens du bas étage, on pourrait aucunement souffrir ce défaut aux hommes. Mais que tous, tant que nous sommes, nous mentions, grands et petits, si quelque autre l'avait dit, je soutiendrai le contraire. Et même qui mentirait comme Ésope et comme Homère, un vrai menteur ne serait. Le doux charme de mensonge, par leur bel art inventé, sous les habits du mensonge nous offre la vérité. L'un et l'autre a fait un livre que je tiens digne de vivre, sans fin, et plus s'il se peut. Comme eux ne ment pas qui y veut. Mais mentir comme sut faire un certain dépositaire, payé par son propre mot, est d'un méchant et d'un sot. Voici le fait. Un trafiquant de Perse, chez son voisin s'en allant en commerce, mit en dépôt un cent de fer un jour. « Mon fer, dit-il quand il fut de retour. Votre fer, il n'est plus. J'ai regret de vous dire qu'un rat l'a mangé tout entier. J'en ai grondé mes gens, mais qui faire? Un grenier a toujours quelques trous. » Le trafiquant admire un tel prodige et feint de le croire pourtant. Au bout de quelques jours, il détourne l'enfant du perfide voisin. Puis à souper convie le père qui s'excuse et lui dit en pleurant. « Dispensez-moi, je vous supplie, tout plaisir pour moi sont perdus. J'aimais un fils plus que ma vie, je n'ai que lui. Que dis-je, hélas, je ne l'ai plus. On me l'a dérobé, plaignez mon infortune. » Le marchand repartit. « Hier au soir, sur la brune, un chat-huant s'en vint votre fils enlever. Vers un vieux bâtiment, je le lui vis porter. » Le père dit. « Comment voulez-vous que je croie qu'un hibou puisse jamais emporter cette proie? Mon fils, en un besoin, eût pris le chat-huant. » « Je ne vous dirai point, reprit l'autre. Comment? Mais enfin je l'ai vu. Vu de mes yeux, vous dis-je, et ne vois rien qui vous oblige d'en douter un moment après ce que je dis. Faut-il que vous trouviez étrange que les chats-huants d'un pays où le quintal de fer par un seul rat se mange, enlève un garçon pesant un demi-cent? » L'autre vit où tendait cette fin d'aventure. Il rendit le fer au marchand, qui lui rendit sa géniture. Même dispute avint entre deux voyageurs. L'un d'eux était de ces conteurs qui n'ont jamais rien vu qu'avec un microscope. Tout est géant chez eux. Écoutez-les, l'Europe, comme l'Afrique, aura des monstres à foison. Celui-ci se croyait l'hyperbole permise. « J'ai vu, dit-il, un chou plus grand qu'une maison. » « Et moi, dit l'autre, un pot aussi grand qu'une église. » Le premier se moquant, l'autre reprit. « Tout doux, on le fit pour cuire vos choux. » L'homme au pot fut plaisant. L'homme au fer fut habile. Quand l'absurde est outré, l'on lui fait trop d'honneur de vouloir par raison combattre son erreur. Enchérir est plus court, sans s'échauffer la bile. Fin de la fable 1, le dépositaire infidèle. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les deux pigeons. Fable 2 des Fables de La Fontaine, livre 9e. Enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard. Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre. L'un d'eux, s'ennuyant au logis, fut assez fou pour entreprendre un voyage en lointain pays. L'autre lui dit : Qu'allez-vous faire ? Voulez-vous quitter votre frère? L'absence est le plus grand des maux, non pas pour vous, cruel, au moins que les travaux, les dangers, les soins du voyage changent un peu votre courage, encore si la saison s'avançait davantage. Attendez les zéphyrs, qui vous presse? Un corbeau tout à l'heure annonçait malheur à quelque oiseau. Je ne songerai plus que rencontre funeste, que faucon, que réseau. Hélas, dirais-je, il pleut. Mon frère a-t-il tout ce qu'il veut? Bon souper, bon gîte, et le reste? Ce discours ébranla le cœur de notre imprudent voyageur.

Oh, que de grands seigneurs aux léopards semblables n'ont que l'habit pour tout talent. Fin de la fable 3. Le singe et le léopard. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le gland et la citrouille. Fable 4 des fables de La Fontaine, livre 9e. Enregistré pour LibriVox.org par Ezoa, en Belgique, en février 2011. Dieu fait bien ce qu'il fait. Sans en chercher la preuve en tout cet univers, il allait parcourant, dans les citrouilles je la treuve. Un villageois considérant combien ce fruit est gros et sa tige menue, « À quoi songeait, dit-il, l'auteur de tout cela? Il a bien mal placé cette citrouille-là, et parbleu, je l'aurais pendue à l'un des chênes que voilà. C'eût été justement l'affaire, tel fruit, tel arbre, pour bien faire. » C'est dommage, garrot, que tu n'aies point entré au conseil de celui que prêche ton curé. Tout en eût été mieux, car pourquoi, par exemple, le gland qui n'est pas gros comme mon petit doigt ne pend-il pas en cet endroit? Dieu s'est mépris. Plus je contemple ces fruits ainsi placés, plus il semble à garrot que l'on a fait un quiproquo. Cette réflexion embarrassant notre homme, « On ne dort point, dit-il, quand on a tant d'esprit. » Sous un chêne, aussitôt, il va prendre son somme. Un gland tombe, le nez du dormeur en pâtit. Il s'éveille, et portant la main sur son visage, il trouve encore le gland pris au poil du menton. Son nez meurtri le force à changer de langage. « Oh, oh » dit-il, « je saigne. Et que serait ce don s'il fût tombé de l'arbre une masse plus lourde et que ce gland eût été gourde? Dieu ne l'a pas voulu. Sans doute il eut raison. J'en vois bien à présent la cause. » En louant Dieu de toutes choses, garrot retourne à la maison. Fin de la fable 4, Le gland et la citrouille. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'écolier, le pédant et le maître d'un jardin. Fable 5 des fables de La Fontaine. Livre 9e. Enregistré pour LibriVox.org par Tim Bulkley de Bible3.com. C'est un enfant qui sentait son collège doublement sot et doublement fripon, par le jeune âge et par le privilège, qu'ont les pédants de gâter la raison. Chez un voisin dérobé, se dit-on, et fleurs et fruits. Ce voisin, en automne, des plus beaux dons que nous offre Pomone avait la fleur, les autres le rebut. Chaque saison apportait son tribut, car au printemps il jouissait encore des plus beaux dons que nous présente Flore. Un jour, dans son jardin, il vit notre écolier, qui, grimpant sans égard, sur un arbre fruitier, gâtait jusqu'au bouton douce et frêle espérance, avant-coureur des biens que promet l'abondance. Même il ébranchait l'arbre, et fit tant à la fin que le possesseur du jardin envoya faire plainte au maître de la classe. Celui-ci vint, suivi d'un cortège d'enfants. Voilà le verger plein de gens, pire que le premier. Le pédant de sa grâce accrut le mal en amenant cette jeunesse mal instruite. Le tout à ce qu'il dit pour faire un châtiment qui put servir d'exemple, et dont toute sa suite se souvint à jamais comme d'une leçon. Là-dessus, il cita Virgile et Cicéron, avec force traite de science. Son discours dura tant que la maudite engeance eut le temps de gâter en 100 lieues le jardin. Je hais les pièces d'éloquence hors de leur place, et qui n'ont point de fin, et ne sait bête au monde pire que l'écolier, si ce n'est le pédant. Le meilleur de ces deux pour voisins, à vrai dire, ne me plairait aucunement. Fin de la fable 5. L'écolier, le pédant et le maître d'un jardin. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le statuaire et la statue de Jupiter. Fable 6 des Fables de La Fontaine. Livre 9e. Enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard. Un bloc de marbre était si beau qu'un statuaire en fit l'emplette. Qu'en fera, dit-il, mon ciseau? Sera-t-il Dieu, table ou cuvette? Il sera Dieu même si je veux qu'il ait en sa main un tonnerre. Tremblez, humain, faites des vœux. Voilà le maître de la terre. L'artisan exprima si bien le caractère de l'idole qu'on trouva qu'il ne manquait rien à Jupiter que la parole. Même l'on dit que l'ouvrier eut à peine achevé l'image qu'on le vit frémir le premier et redouter son propre ouvrage. À la faiblesse du sculpteur, le poète autrefois nom du guerre, des dieux dont il fut l'inventeur, craignant la haine et la colère. Il était enfant en ceci, les enfants n'ont l'âme occupée que du continuel souci qu'on ne fâche point leur poupée. Le cœur suit aisément l'esprit, de cette source est descendue l'erreur païenne qui se vit chez tant de peuples répandus. Ils embrassaient violemment les intérêts de leur chimère. Pygmalion devint amant de la Vénus dont il fut père. Chacun tourne en réalité, autant qu'il peut, ses propres songes. L'homme est de glace aux vérités, il est de feu pour les mensonges. Fin de la fable 6, le statuaire et la statue de Jupiter. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La souris métamorphosée en fille, fable 7 des Fables de La Fontaine, livre 9e, enregistré pour LibriVox.org par Nadine Eckert-Boulet. Une souris tomba du bec d'un chat-vent. Je ne l'eusse pas ramassé, mais un bramin le fit, je le crois aisément. Chaque pays a sa pensée. La souris était fort froissée, de cette sorte de prochain nous nous soucions peu. Mais le peuple bramin le traite en frère. Ils ont en tête que notre âme au sortir d'un roi entre dans un ciron, ou dans telle autre bête qu'il plaît au sort. C'est là l'un des points de leur loi. Pythagore chez eux a puisé ce mystère. Sur un tel fondement, le bramin crut bien faire de prier un sorcier qu'il logeât la souris dans un corps qu'elle eût eu pour hôte au temps jadis. Le sorcier en fit une fille de l'âge de 15 ans, et telle et si gentille que le fils de Priam pour elle aurait tenté plus encore qu'il ne le fit pour la grecque beauté. Le bramin fut surpris de choses si nouvelles. Il dit à cet objet si doux, « Vous n'avez qu'à choisir, car chacun est jaloux de l'honneur d'être votre époux. » « En ce cas, je donne, » dit-elle, « ma voix au plus puissant de tout. »« Soleil !» s'écria alors le bramin à genoux, « c'est toi qui seras notre gendre. »« Non, » dit-il, « ce nuage épais est plus puissant que moi, puisqu'il cache mes traits. Je vous conseille de le prendre. »« Eh bien, » dit le bramin au nuage volant, « es-tu né pour ma fille ?» Hélas, non, car le vent me chasse à son plaisir de contrée en contrée. Je n'entreprendrai point sur les droits de Borée. Le bramin fâché s'écria, « Au vent donc, puisque vent y a, viens dans les bras de notre belle !» Il accourait, un mont en chemin l'arrêta. L'étoffe passant à celui-là, il le renvoie et dit, « J'aurais une querelle avec le rat, et l'offenser ce serait être fou, lui qui peut me percer. » Au mot de rat, la damoiselle ouvrit l'oreille. Il fut l'époux. « Un rat !» Un rat, c'est de ces coups qu'amour fait, témoin tel et tel. Mais ceci soit dit entre nous. On tient toujours du lieu dont on vient. Cette fable prouve assez bien ce point. Mais à la voir de près, quelque peu de sophisme entre parmi ces traits. Car quel époux n'est point au soleil préférable en s'y prenant ainsi? Dirais-je qu'un géant est moins fort qu'une puce? Elle le mord pourtant. Le rat devait aussi renvoyer, pour bien faire, la belle au chat, le chat au chien, le chien au loup. Par le moyen de cet argument circulaire, Pilpay jusqu'au soleil eut enfin remonté, le soleil eut joui de la jeune beauté. Revenons, s'il se peut, à la métempsycose. Le sorcier du bramin fit sans doute une chose qui, loin de la prouver, fait voir sa fausseté. Je prends droit là-dessus contre le bramin même, car il faut, selon son système, que l'homme, la souris, le ver, enfin chacun, aille puiser son âme en un trésor commun. Toutes sont donc de même trempe. Mais agissant diversement, selon l'organe seulement, l'une s'élève et l'autre rampe. D'où vient donc que ce corps si bien organisé ne put obliger son hôtesse de s'unir au soleil, un rat eut sa tendresse? Tout débattu, tout bien pesé, les âmes des souris et les âmes des belles sont très différentes entre elles. Il en faut revenir toujours à son destin, c'est-à-dire à la loi par le ciel établie.

s'en allait l'emporter. Le chien représenta sa maigreur. « Jeanne, plaise à votre seigneurie de me prendre en cet état-là. Attendez, mon maître Marie, sa fille unique, et vous jugez qu'étant de noces, il faut, malgré moi, que j'engraisse. » Le loup le croit, le loup le laisse. Le loup, quelques jours écoulés, revient voir si son chien n'est point meilleur à prendre. Mais le drôle était au logis. Il dit au loup par un treillis, « Ami, je vais sortir, et si tu veux attendre, le portier du logis et moi, nous serons tout à l'heure à toi. » Ce portier du logis était un chien énorme, expédiant les loups en forme. Celui-ci s'en douta. « Serviteur au portier, dit-il, et de courir, il était fort agile, mais il n'était pas fort habile. Ce loup ne savait pas encore bien son métier. » Fin de la fable 10, Le loup et le chien maigre. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Rien de trop. Fable 11, des fables de La Fontaine, livre 9e. Enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard. Je ne vois point de créature se comporter modérément. Il est certain tempérament que le maître de la nature veut que l'on garde en tout, le fait-on nullement. Soit en bien, soit en mal, cela n'arrive guère. Le blé, riche présent de la blonde Cérès, trop touffu bien souvent, épuise les guérets. En superfluité s'épandant d'ordinaire, et poussant trop abondamment, il ôte à son fruit l'aliment. L'arbre n'en fait pas moins, tant le luxe sait plaire. Pour corriger le blé, Dieu permit aux moutons de retrancher l'excès des prodigues moissons. Tout au travers ils se jetèrent, gâtèrent tout et tout broutèrent. Tant que le ciel permit aux loups d'en croquer quelques-uns, ils les croquèrent tous. S'ils ne le firent pas, du moins ils y tâchèrent. Puis le ciel permit aux humains de punir ces derniers. Les humains abusèrent à leur tour des ordres divins. De tous les animaux, l'homme a le plus de pente. À se porter dedans l'excès, il faudrait faire le procès, aux petits comme aux grands. Il n'est âme vivante qui ne pêche en ceci. Rien de trop est un point dont on parle sans cesse et qu'on n'observe point. Fin de la fable 11. Rien de trop. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le cierge. Fable 12. Des fables de La Fontaine. Livre 9e. Enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard. C'est du séjour des dieux que les abeilles viennent. Les premières, dit-on, s'en allèrent loger au mont Hymette et se gorger des trésors qu'en ce lieu les zéphyrs entretiennent. Quand on eut des palais de ces filles du ciel, enlevé l'ambroisie en leur chambre enclose, ou pour dire en français la chose, après que les ruches sans miel n'eurent plus que la cire, on fit maintes bougies. Maint cierge aussi fut façonné. Un d'eux, voyant la terre en briques, au feu durci, vaincre l'effort des ans, il eut la même envie. Et nouvelle Empédocle, aux flammes condamnées, par sa propre et pure folie, il se lança dedans. Ce fut mal raisonné. Ce cierge ne savait grain de philosophie. Tout en tout est divers. Ôtez-vous de l'esprit qu'aucun être ait été composé sur le vôtre. L'Empédocle de cire au brasier se fondit. Il n'était pas plus fou que l'autre. Fin de la fable 12. Le cierge. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Jupiter et le passager. Fable 13 des fables de La Fontaine, livre 9e. Enregistré pour LibriVox.org par Ezoie, en Belgique, en février 2011. Oh, combien le péril enrichirait les dieux si nous nous souvenions des vœux qu'il nous fait faire. Mais le péril passé, l'on ne se souvient guère de ce qu'on a promis aux cieux. On compte seulement ce qu'on doit à la terre. Jupiter, dit l'impie, est un bon créancier, il ne se sert jamais d'huissier. Hé, qu'est-ce donc que le tonnerre? Comment appelez-vous ces avertissements? Un passager, pendant l'orage, avait voué 100 bœufs au vainqueur des titans. Il n'en avait pas un. Vouer 100 éléphants n'aurait pas coûté davantage. Il brûla quelques os quand il fut au rivage. Au nez de Jupiter, la fumée en monta. « Sire Jupin, dit-il, prends mon vœu, le voilà. C'est un parfum de bœuf que ta grandeur respire. La fumée est ta part, je ne te dois plus rien. » Jupiter fit semblant de rire, mais après quelques jours le dieu l'attrapa bien en voyant un songe lui dire qu'un tel trésor était en tel lieu. L'homme au vœu courut au trésor comme au feu. Il trouva des voleurs, et n'ayant dans sa bourse qu'un écu pour toute ressource, il leur promit 100 talents d'or bien comptés, et d'un tel trésor on l'avait enterré dedans telle bourgade. L'endroit parut suspect aux voleurs, de façon qu'à notre prometteur l'un dit « Mon camarade, tu te moques de nous. Meurs et va chez Pluton porter tes 100 talents en don. » Fin de la fable 13, Jupiter et le passager. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le chat et le renard, fable 14, des fables de La Fontaine, livre 9e, enregistré pour LibriVox.org, par Nadia. Le chat et le renard, combo petit saint, s'en allaient en pèlerinage. C'étaient deux vrais tartuffes, deux archipatelins, deux francs pattes pelus qui défraient du voyage, croquant maintes volailles, escroquant même fromage. S'indemniser à qui mieux, le chemin était long et partant ennuyeux. Pour la coursir, ils disputèrent. La dispute est d'un grand secours. Sans elle, on dormirait toujours. Nos pèlerins s'égosillèrent. Ayant bien disputé, l'on parla du prochain. Le renard au chat dit enfin, « Tu prétends être fort habile. En sais-tu tant que moi? J'ai son ruse au sac. » « Non, » dit l'autre. Je n'ai qu'un tour dans mon bissac, mais je soutiens qu'il en vaut 1000. Eux de recommencer la dispute à l'envi, sur le que si que non, tous deux étant ainsi. Une meute apaisa la noise. Le chat dit au renard, fouillons ton sac, ami, cherchons ta cervelle matoise. Un stratagème sûr, pour moi, voici le mien. À ces mots, sur un arbre, il grimpa bel et bien. L'autre fit son tour inutile. Entra dans son terrier, mit son foie en défaut, tous les confrères de Briffaut. Partout il tenta des asiles, et ce fut partout son succès. La fumée y pourvue, ainsi que les bassets. Au sortir d'un terrier, deux chiens aux pieds agiles, l'étranglèrent du premier bond. Le trop d'expédients peut gâter une affaire. En perdu-t-on au choix, on tente, on veut tout faire, n'en ayant qu'un, mais qu'il soit bon. Fin de la fable 14. Le chat et le renard. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le mari, la femme et le voleur. Fable 15 des fables de La Fontaine, livre 9e. Enregistré pour LibriVox.org par Nadine Eckert-Boulet. Un mari fort amoureux de sa femme, bien qu'il fût jouissant, se croyait malheureux. Jamais œillade de la dame, propos flatteurs et gracieux, mots d'amitié ni doux sourire, déifiant le pauvre sire, n'avait fait soupçonner qu'il fût vraiment chéri. Je le crois, c'était un mari. Il ne tint point à l'hyménée que content de sa destinée, il en remercia les dieux. Mais quoi, si l'amour n'assaisonne les plaisirs que l'hymen nous donne, je ne vois pas qu'on en soit mieux. Notre épouse étant donc de la sorte bâtie, et n'ayant caressé son mari de sa vie, il en faisait sa plainte une nuit. Un voleur interrompit la doléance. La pauvre femme eut si grand-peur qu'elle chercha quelque assurance entre les bras de son époux. « Ami voleur, dit-il, sans toi ce bien si doux me serait inconnu. Prends donc en récompense tout ce qui peut chez nous être à ta bienséance. Prends le logis aussi. » Les voleurs ne sont pas gens honteux ni fort délicats. Celui-ci fit sa main. J'infère de ce compte que la plus forte passion, c'est la peur. Elle fait vaincre l'aversion et l'amour quelquefois. Quelquefois il la dompte. J'en ai pour preuve cet amant qui brûla sa maison pour embrasser sa dame, l'emportant à travers la flamme. J'aime assez cet emportement. Le comte m'en a plu toujours infiniment. Il est bien d'une âme espagnole, et plus grande encore que folle. Fin de la fable 15. Le mari, la femme et le voleur. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le trésor et les deux hommes. Fable 16 des fables de La Fontaine. Livre 9e. Enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard. Un homme n'ayant plus ni crédit ni ressources, élogeant le diable en sa bourse, c'est-à-dire n'y logeant rien, s'imagina qu'il ferait bien de se pendre et finir lui-même sa misère, puisqu'aussi bien sans lui, la faim le viendrait faire. Genre de mort qui ne duit pas, à gens peu curieux de goûter le trépas. Dans cette intention, une vieille masure fut la scène où devait se passer l'aventure. Il y porte une corde et veut avec un clou, au haut d'un certain mur, attacher le licou. La muraille vieille et peu forte, s'ébranle au premier coup, tombe avec un trésor. Notre désespéré le ramasse et l'emporte, laisse là le licou, s'en retourne avec l'or. Sans compter, ronde ou non, la somme plutôt cire, tandis que le galant à grands pas se retire. L'homme au trésor arrive et trouve son argent absent. Quoi, dit-il, sans mourir je perdrai cette somme? Je ne me pendrai pas, et vraiment s'y ferai, ou de corde je manquerai. Le là était tout prêt, il n'y manquait qu'un homme. Celui-ci se l'attache et se pend bien et beau. Ce qui le consola peut-être, fut qu'un autre eût pour lui fait les frais du cordeau. Aussi bien que l'argent le licou trouva maître, l'avare rarement finit ses jours sans pleurs. Il a le moins de part au trésor qu'il en sert, thésaurisant pour les voleurs, pour ses parents ou pour la terre. Mais que dire du troc que la fortune fit? Ce sont là de ses traits, elle s'en divertit. Plus le tour est bizarre et plus elle est contente. Cette déesse inconstante se mit alors en l'esprit de voir un homme se pendre, et celui qui se pendit s'y devait le moins attendre. Fin de la fable 16. Le trésor et les deux hommes. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le singe et le chat. Fable 17. Des fables de La Fontaine. Livre 9e. Enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard. Bertrand avec Raton, l'un singe et l'autre chat, commensaux d'un logis, avaient un commun maître. D'animaux malfaisants, c'était un très bon plat. Ils n'y craignaient tous deux aucun, quel qu'il pût être. Trouvait-on quelque chose au logis de gâté? L'on ne s'en prenait point aux gens du voisinage. Bertrand dérobait tout, Raton de son côté, était moins attentif aux souris qu'au fromage. Un jour, au coin du feu, nos deux maîtres fripons regardaient rôtir des marrons. Les escroquer était une très bonne affaire. Nos galants y voyaient double profit à faire. Leur bien premièrement, et puis le mal d'autrui. Bertrand dit à Raton, « Frère, il faut aujourd'hui que tu fasses un coup de maître. Tire-moi ces marrons, si Dieu m'avait fait naître, propre à tirer marrons du feu, certes marrons verraient beau jeu. » Aussitôt fait que dit, Raton avec sa patte, d'une manière délicate, écarte un peu la cendre et retire les doigts, puis les reporte à plusieurs fois. Tire un marron, puis deux, et puis trois en escroque. Et cependant, Bertrand les croque. Une servante vient. Adieu, mes gens. Raton n'était pas content, se dit-on. Aussi ne le sont pas la plupart de ces princes qui, flattés d'un pareil emploi, vont s'échauder en des provinces pour le profit de quelques rois. Fin de la fable 17. Le singe et le chat. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le Milan et le Rossignol. Fable 18. Des fables de La Fontaine. Livre 9e. Enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard. Après que le Milan, manifeste voleur, eut répandu l'alarme en tout le voisinage et fait crier sur lui les enfants du village, un rossignol tomba dans ses mains par malheur. Le héros du printemps lui demande la vie. Aussi bien que manger en qui n'a que le son? Écoutez plutôt ma chanson. Je vous raconterai Thérée et son envie. Qui Thérée? Est-ce un mets propre pour les Milans? Non pas. C'était un roi dont les feux violents me firent ressentir leur ardeur criminelle. Je m'en vais vous en dire une chanson si belle qu'elle vous ravira, mon chant plaît à chacun. Le Milan alors lui réplique. Vraiment, nous voici bien, lorsque je suis à jeun. Tu me viens parler de musique? J'en parle bien au roi. Quand un roi te prendra, tu peux lui conter ses merveilles. Pour un Milan, il s'en rira. Ventre affamé n'a point d'oreille. Fin de la fable 18. Le Milan et le Rossignol. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le berger et son troupeau. Fable 19. Des fables de La Fontaine. Livre 9e. Enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard. Quoi? Toujours il me manquera, quelqu'un de ce peuple imbécile? Toujours le loup m'engobera? J'aurais beau les compter, ils étaient plus de 1000, et m'ont laissé ravir notre pauvre Robin.